On va parler avec notre ami Tony Guzzo du site internet labitsnfl.com. Et habituellement, on lui parle soit le vendredi ou le samedi. Mais là, on va y parler dimanche, parce qu'hier, belle journée à Québec. Salut, Tony! Salut, Danny. Comment ça va? Ça va bien. C'est toi, comment ça va? En tant que partisan des Dolphins de Miami, tout ce qui se passe actuellement avec lui, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment ça va finir ce soir-là. Moi, je pense que le propriétaire des Dolphins n'aura pas le choix de vendre son club. S'il réussit à prouver, là, puis ça, les Flores, c'est quand même des... Des preuves assez importantes, là. Comment ça va finir? Ouais, ben, c'est la grosse question. Moi, je suis dans tous mes états d'âme en tant que partisan, parce que je trouve ça dommage qu'est-ce qui m'est honteux. Sauf que, encore une fois... Il n'y a rien de surprenant, là. Ouais, mais c'est parce que ça a été... Tout le monde le sait, là, Tony, que ça se fait dans le sport, là. Oui, bien exactement. Donc, premièrement, avec ce que tu as dit par rapport aux propriétaires, il faut qu'il y ait un vote de la Ligue des propriétaires pour le tasser ou de la NFL, parce que lui, tu sais, personnellement, il ne vendra pas. Oui, mais les Clippers, le propriétaire de la NBA, tu sais que la NBA a fait ça avec le propriétaire des Clippers, il y a 2-3 ans. Hein? Oui, non, mais c'est ça, mais il faut attendre la NFL. Comme tu sais, ils ont une armée d'avocats. Puis deuxièmement, ils vont prendre le temps avant de... Ouais. Ils vont prendre le temps nécessaire avant. Mais oui, c'est une option. Moi, écoute, le propriétaire a nié. Même celui des Browns, là, après la déclaration de Hugh Jackson. Hugh Jackson a fait... c'était l'année de Baker Mayfield, celle-là, hein? Exactement. Hugh Jackson, qui était l'entraîneur des Browns de Cleveland, a levé la main après la sortie de Brian Flores. Il a dit moi aussi, c'est arrivé. Ouais, c'est ça. Donc, le gars, tu sais, Brian Flores, il faut quand même, il faut l'admettre que c'est vrai que la situation des entraîneurs de race noire ou de minorité ethnique, ça fait dur comme processus. Donc, c'est sûr que Goodell va jouer cette carte-là, dans ce sens-là. Mais là, pour tout le reste, le fait d'avoir donné de l'argent pour perdre, puis tout ça. En tout cas, moi, j'ai fait une joke plate. J'ai eu Alain Poupard en entrevue. Oui, je t'ai écouté, justement. Je l'ai écouté, ouais. Puis, je vais te poser la même question que j'ai posée à Alain. Ça se peut-tu? Toi, en tant que partisan des Dolphins, c'est-tu... Lui, Alain, il a tout fait la démantelature de ce qui s'est passé avec les Dolphins. C'était logique. Il a échangé plusieurs vétérans contre des anciens choix repêchants. J'ai lu beaucoup par rapport à Brian Flores aussi. Il y avait de la misère aussi avec ses coordonnateurs. Donc, il y avait quand même un certain caractère, un certain comportement. Mais c'est sûr que les joueurs ont beaucoup joué avec lui, mais on dirait que c'était un one-man show. Mais en tant que partisan, moi, je me pose beaucoup de questions parce que j'ai hâte de voir que ça va sortir vraiment si c'est vrai, tout ça. Là, il y a une partie de vrai, mais c'est quand même honteux. Ça va être dur à prouver peut-être, là, quelque part. Là. Ça va être difficile à prouver. Puis comme j'ai mentionné tantôt, la NFL a une armée d'avocats, puis... c'est vraiment dommage. On va voir Flores parce qu'il est encore dans la course Houston aussi. Donc, j'ai hâte de voir parce que dans toute cette affaire-là, est-ce que c'est Flores qui voulait Watson? Parce que Watson, tu sais, il a beaucoup été parlé à Miami. Donc, qui voulait Watson? C'est-tu Flores? Donc, on va voir. Si Flores... demeure à Houston, puis Watson avec. Ça va répondre à certaines questions aussi, mais c'est quand même dommage, toute cette situation-là. Puis, c'est vraiment dommage. Mais encore, au bout de ligne, il faut faire attention, parce que, comme j'ai mentionné, puis on le mentionne à chaque fois, puis, tu sais, des fois, on le vit aussi avec les Canadiens de Montréal au hockey. Tu sais, je veux dire, on veut un entraîneur bilingue qui peut parler français, tout ça. Mais au bout de la ligne, c'est-tu le meilleur entraîneur qu'on a? Mais Flores a quand même démontré quelque chose de vraiment très bien. Il y a une fiche record, il y a une fiche victorieuse. En plus, c'est le seul entraîneur qui est capable de battre Belichick, qui est capable aussi de battre les Bills. En tout cas, c'est vraiment bizarre. Je regarde ça vraiment de loin. Je suis le genre de gars qui va laisser les choses aller, puis il faut avoir la preuve. Mais c'est vraiment dommage dans tout ça, là. Donc, voici le dossier de presse. J'ai l'impression que ça n'a pas fini de faire parler parce que je pense que parce que la plus grosse, ça a même éclipsé l'histoire de Tom Brady hein, cette semaine, que le gars qui prend sa retraite, le plus grand de tous les temps. C'est-à-dire que Tom Brady, ça a pas été long, hein? On a arrêté de parler de Tom Brady quand cette histoire-là est sortie, là. Ouais. Ben, Tom Brady aussi s'est arrêté parce qu'on le savait, les journalistes sont sortis. Ouais, que c'est Adam Moi, je... Schefter, là, c'est. Ouais, c'est ça, je trouve ça dommage parce que je pense que Tom Brady voulait l'annoncer d'une façon. Il y a eu un manque de respect, mais Tom Brady, avec les Schefter puis Darlington d'ESPN, sont un peu en confrontation parce que c'était aussi ces deux journalistes-là dans le temps qui avaient sorti le Deflate Gate, là. Des fameux ballons dégonflés. Fait que je trouve ça vraiment dommage. Ben oui, toute cette histoire-là. En tout cas, tu sais, je pense qu'Alain Poupard, il avait très bien dit, puis même vous autres aussi, toi aussi, ou d'autres personnes, tu sais, je veux dire, dans tous les nouveaux entraîneurs qui ont été embauchés, c'est tous des coordonnateurs, pas d'expérience. Je trouve ça dommage pour Flores. Puis, tu as apporté aussi un bon point aussi. On peut faire, c'est peut-être pas des pommes, comparer des pommes avec des oranges, là, mais Colin Kaepernick, c'est un peu dans cette façon-là. Je me demande quel genre de futur Flores peut avoir. Là. Ben, moi, j'ai. Il Mais, devait le savoir, hein. Il devait le comme j'ai savoir. Ben, mentionné, il avec y quel avait. futur? L'NCA. Mais encore là, l'NCA. Les entraîneurs noirs, il n'y en a pas beaucoup, hein, l'NCA. Herman Edwards. Ouais, mais faut aimer ça, hein. Ouais, La c'est pas la même job non plus. NCAA, tu C'est sais, une job de vendeur, c'est une job. Faut que tu fasses le tour des États-Unis, le tour du monde, puis aller voir les parents, convaincre. Tu sais, faut t'embarquer dans l'auto, dans l'avion, dépendamment le budget que l'équipe a, là. Mais en tout cas, mais il va battre pour sa cause, puis. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Mais j'ai, ouais, c'est vraiment ça. Parce On que a Colin hâte pour tout. Kaepernick, c'est pas normal non plus, là. Écoute bien, il y avait les 32. C'est pas normal. Il faisait partie des 32 meilleurs quarts de la NFL, là, au moment où c'est arrêté. C'était peut-être plus dans 15 et 20, là, mais c'est un quart partant pareil, là. En tout cas. Moi, en tout cas, des situations comme ça, moi, des choses, si ça arriverait, là, je vais être honnête, je sais qu'il y a de l'argent, mais moi, j'aurais remis ma démission. Là, après l'année que tout ça s'est passé, j'aurais fini la saison, puis je m'en vais. Puis je sais que les coachs, puis peut-être tu sais, des minorités ethniques ou de race noire veulent se battre pour avoir un poste, un meilleur salaire, mais moi, c'est des choses qui. Moi, ça va à l'encontre de mes principes. Moi, j'aurais démissionné avant de me faire congédier, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, c'est très c'est à suivre, puis ça risque d'être long aussi. J'ai hâte de voir comment ça va tout seul. Ah, regarde, c'est. C'est. Mais Tom Brady, ton meilleur cauchemar dans ton cas, parce que moi c'était mon meilleur souvenir, hein. Mais ton meilleur cauchemar, c'est quoi? Ben, c'est le fait qu'il ait tout gagné, tout le Non, temps mais. gagné. Non, Non, mais tu sais, quel. je veux dire, meilleur cauchemar, tu sais, je veux dire, ça a tombé de même, mais au bout de la ligne, c'est une belle histoire, là, tu sais. Je peux pas dire un cauchemar, tu sais, c'est sûr que quand il nous bat, puis tout ça, puis il a vécu, il a tombé dans une bonne séquence, mais pendant 20 ans avec les Patriots. Moi, mon pire cauchemar, c'est que le fait qu'il ait gagné l'année passée. Ça, c'est. Ça m'a. Ben moi, mon meilleur souvenir, ça reste, ben, tellement, là. Le reste, les Falcons, ça Ah, reste, contre les Super Bowl, contre les Falcons, ça reste oui. aussi, les Raiders, ça commence à être vieux, mais c'est un classique, ça, là. Ouais. Ben, moi, c'est l'année passée parce que je trouvais ça dommage que le succès que Brady a connu l'année passée avec les Bucks, il y avait tout, comment dire ça, là, une nuit à Bill Belichick. Puis moi, j'ai trouvé que dans toute cette série de 20 ans-là, ces 20 saisons, Bill Belichick avait besoin de Brady et Brady avait besoin de Belichick. Tu sais? Puis là, l'année passée, ils ont tout comme. Mais tu regardes Belichick cette année, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça Sur qu'on ça, louche voulait. un peu, là. Il y a pas eu un Brady, a pas parlé des Pats, a même pas Oui? signé avec moi. Quand tu t'arrêtes à un Pats, ça aurait dû signer un contrat d'une journée pour prendre sa retraite dans une forme des Pats. Moi, quelque part, je trouve ça louche un peu. C'est sûr que ça a mal fini. C'est documenté que ça a mal fini, que les relations entre Belichick et Brady, c'était pas nécessairement beau fixe. Belichick a salué Tom Brady, mais Oui. Brady n'a pas salué Belichick. Donc, je trouve ça un peu triste. Puis je trouve Ben, ça un tu peu triste. La sais. conférence. Comme c'était Roger Brulotte que je disais ça, puis Ouais. c'était qui? C'était Tony. C'était Alain Poupart ou Hugues, Ouais. que il aurait dû avoir une conférence de presse additionnelle. Tu sais, les commenter sur les médias sociaux, là. Dans un cas comme Tom Brady, un peu, tu sais, ça aurait dû être une conférence de presse traditionnelle de se présenter une dernière fois dans les médias. Ouais. Hein? Ouais. Ben, je pense que Tom Brady, c'est pas ça qu'il voulait faire. Puis à cause des journalistes, j'ai dit, écoute, je ferai pas tout ce brouhaha-là, là, mais il y a aussi l'aspect, on se demande aussi que peut-être même avec Tampa Bay, à la fin, ça allait pas bien comme structure d'organisation, là. Ça, j'ai entendu ça. Il n'y avait pas la structure, la discipline que lui y avait avec les Patriots dans le temps. Puis il a peut-être fait le calcul finalement. Tu sais, on a toujours dit, il faut que tu finisses sur une Ben oui. bonne saison. Il y avait quoi à prouver? Puis là, il a vu avec toutes les l'année prochaine, là, cette équipe-là, là, avec tout l'argent, les fameux 22 joueurs qui sont revenus, là, tous des contrats d'un an, là, ça va vraiment brasser. Puis la grosse question qui tue, c'est qui va prendre la relève au poste de quart à Tampa Bay, là, ça va être T'es vraiment. Trent Latt, je suis pas sûr que c'est la solution. C'est-tu Kyler Trask? Pas Trent Latt, Ouais. Trent Latt, c'est un autre hockey. Trask, ouais, de. C'est un carrière qui vient des Gators de la Floride, puis Exact. l'histoire le dit, les Gators, c'est un système, et non qui fait Ben, en ça va sorte. beaucoup. Ouais. C'est sûr qu'au repêchage, il n'y aura pas. C'est pas une grande classe Non. au niveau des quarts arrière. Donc, sauf qu'il y a pas mal d'agents libres. Puis il y a un Jimmy Garoppolo va être sur le marché des échanges. Tu sais, un Russell Wilson. Est-ce que Aaron Rodgers aussi Ouais. veulent aller au show? Tu sais, Tom Brady, là, la chaleur l'a convaincu aussi. Mais c'est sûr que si Tampa Bay réussissent pas à trouver quelqu'un sur le marché de joueurs autonomes, on risque d'avoir Trask pour commencer, pour voir aussi. Parce qu'ils l'ont quand même choisi en deuxième ronde, donc il faut qu'ils donnent cette opportunité-là pour voir qu'est-ce qu'il y en est, là. Dernier point, avant de parler de Josh McDaniels, je vais parler de Tom Brady. As-tu vu ça passer? Ben moi, je l'ai mis là. C'est sûr que je t'ai abonné à un email de Business de Sport. Les canaux de télévision commenceraient à faire de l'œil à Tom Brady. On parle d'un salaire de base de 20 millions, salaire de départ de 20 millions Wow, pour pour passer à la télé? être analyste. Ouais, c'est ça. Amazon, on parle même qu'Amazon pourrait même aller jusqu'à 25 millions par année. T'sais, pis ça vaut ça parce que l'an prochain, si je me trompe pas, Amazon, la partie du jeudi soir va être uniquement sur le streaming. Hein. Exactement, Donc Amazon exactement. a l'argent ça me Al Michael là, avec Tom Brady, ce serait bon ça pour lancer un nouveau Amazon puis hein? Ben là, il y a aussi Troy Aikman, ça a l'air Ouais. aussi, qui risque de quitter Fox. Puis, Ouais. mais c'est sûr, oui, ça serait un beau, ça serait un beau duo, là. Il y a Sean Payton aussi des Saints qui va être OK. dans la course. Mais Amazon sont en train de faire un peu qu'est-ce qu'ils ont fait quand Fox a commencé Ouais, à, exactement, tu sais, exactement. avec John Madden, là, Puis ils Pat vont mettre. Summerall, c'est ça qui a mis Fox au monde. Hey, en terminant, Exactement. Josh McDaniels, les Raiders, c'est une Ouais. équipe que j'aime beaucoup. C'est ma deuxième équipe après les Pats. Écoute, moi, je suis surpris de voir Josh McDaniels Moi aussi. avec les Raiders pour deux raisons. La première, à Denver, ça n'a pas été un grand succès. La deuxièmement, l'histoire des Colts d'Indianapolis l'année passée. Tu sais, te rappelles la conférence de Oui, presse, ah oui, puis il a lâché. il a lâché à la dernière minute. Moi, je pensais qu'il était barré plus 100 ans. Mais c'est pas le cas, ça a l'air. Donc, Je suis très surpris, puis ouais. c'est vraiment, comme on dit, mais tu sais, Mark Davis, le propriétaire. Des Raiders est un peu à la Jerry Jones, puis ce genre, c'est vraiment un coup du champ gauche que je l'ai pas vu là, venir là. Moi aussi, moi j'ai toujours dit Josh McDaniels, lui il dit qu'il a appris, on va voir là, depuis Denver puis tout ça, mais moi j'ai toujours dit que c'est pas tous les meilleurs coordonnateurs vont être des meilleurs entraîneurs-chefs, puis McDaniels fait partie de ceux qui va être toujours le grand coordonnateur, mais pas l'entraîneur-chef. J'ai hâte de voir ça. Jim Harbaugh, ça dit quoi? Ça dit Ben quoi là, là-dessus? il a Ah ben là, il confirmé. retourne à Michigan, mais dans le fond, là, il a été interviewé par les Raiders, il a été interviewé par les Vikings du Minnesota, il n'a pas eu de poste. Ça dit Ben, quoi? Jim Harbaugh veut avoir le contrôle, hein? Fait Ouais, que, ok. tu sais, je veux dire, Et moi, là, c'est... ça a l'air qu'il a dit qu'il fera plus parce qu'il a été déçu. Ça a l'air que Minnesota, il était très poche, puis il n'a pas eu l'offre qu'il voulait, là. Il a annoncé au Michigan, il a dit à Michigan que là, c'est fini, là, je le ferai plus, là, tu sais, comme l'année prochaine, aller voir qu'est-ce qui se passe, là. Lui, il pensait que cette année, c'était la bonne année pour rentrer dans la NFL, puis là, il a réalisé que je suis aussi bien retourner à Michigan, puis, Ouais. Mais c'est très, très bizarre. Mais ça, c'est l'histoire des embauches dans tous les domaines, dans la société. Je veux dire, il faut que ça clique, faut que ça aille bien. Il y a bien des coachs qui veulent avoir le contrôle complet. Ben, Tu sais, ça les dépend des Vikings. noms, hein. Si t'es un coordonnateur à l'attaque qui veut avoir une job comme entraîneur-chef, c'est normal. C'est normal que tu C'est ça. ça. Par contre, si t'es un gros nom comme Harbaugh, ben c'est normal aussi que tu demandes plus le contrôle, en tout cas. Moi, il aurait pu, je pense que il aurait pu se rapprocher de Miami, mais avec qu'est-ce que Flores a sorti là, Jim Harbaugh a quand même certains principes là, c'est des certaines valeurs aussi. Moi, le poste de Miami m'inquiète beaucoup parce qu'avec tout qu'est-ce qui a sorti, je me demande qui veut aller là. Ben, ça dépend si le propriétaire change. Ouais, mais c'est ça. Mais là, T'sais... on est rendu le 6 février, là. Donc, tu sais, le Ouais. repêchage s'en vient. Danny, là, il tassera pas. Les propriétaires ne tassent pas quelqu'un Non, vite, assez vite de ça va prendre même. une couple de mois, j'ai l'impression. Peut-être Parce même jusqu'à que. peut-être bien l'automne le maximum, là. Parce que si je Mais me souviens bien, les rencontres de propriétaires, c'est au mois de mars, je pense. Peut-être dans un mois. Ouais. Fait que est-ce que ça va être sur l'autre jour? Ça, je ne sais pas. En tout cas, on va suivre ça. Pro Bowl aujourd'hui, donc on va peut-être regarder ça un petit peu. Un Le petit peu. match que tout le monde veut être sélectionné, mais peut pas le jouer. Ça va être très, très C'est intéressant. assez bizarre, hein? C'est assez bizarre. Même hier, j'ai pas pu regarder là. Ça me tente pas, les matchs. À part du baseball qui a une signification. Ben, les Skills, j'ai commencé. As-tu vu les Skills? Ça passe à TSN puis à RDS. Puis, pas à TSN puis à ABC. Les Skills, c'est plus, ça semble plus impressionnant, intéressant quasiment que. Oui, ils se sont améliorés, mais ils ont fait ça jeudi soir, Ouais. puis il n'y a pas eu tant de promotion pour ça. Ben non, Mais en plus. en tout cas, le Pro Bowl au football, c'est une semaine payée pour les joueurs et leurs Meilleur match des familles. étoiles, c'est le baseball et la MLS. MLS, c'est Moi, pour le moi 20 ans. baseball, je l'aime beaucoup, là. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Hey, en terminant, au Canada, soccer, Très content. on On est approche à un, on vraiment approche proche, là. vraiment. On est à un. Je pense que c'est le prochain match qu'on peut se qualifier automatiquement, hein? Je pense que oui, j'ai pas eu Ouais. le. Mais le. Tu sais, Ah, moi, ça va super bien. Sans Davis, là, c'est une gang qui sont sur une mission. Et Borean aussi. Faut pas Puis oublier. le goaler, il est écœurant. Puis Ah, là, on commence, c'est drôle parce que quand on regarde les ESPN, les Fox Sports, là, les postes américains, là, ils se réveillent, ils disent, hey, on doit prendre le Canada au sérieux. ouais. Ouais, j'espère. Fait que, mais je suis très content pour le sport, puis ça, c'est le fun. Puis, je pense que Patrice Bernier l'a dit cette semaine dans une entrevue radio, là, il dit, si on fait la Coupe du Monde, ça va être encore plus que 86 parce qu'on va même avoir la chance de peut-être gagner un match Ah ou même de ouais. surprendre parce que justement, c'est des équipes qu'on ne voit pas souvent. Puis normalement, les grandes nations prennent à la légère. Donc, c'est des matchs comme ça qui fait qu'il va toujours avoir une histoire Cendrillon. Puis on va souhaiter que ça va être le Canada. Là, t'sais. Ouais. Ben, Tony, on se reparle vendredi. On va être en table ronde, probablement soit avec Jacques Dussault ou Danny Machocha, je te le dis tout de suite. Ça va être en vidéo, ce coup-là. Oui, Donc, comme les deux soit avec dernières Jacques ou années, avec Danny, fait qu'on. Un des deux, tu comprends, un des deux, on va être quand même très très bien. ça va être bien le fun. On Ton va se ami préparer pour Tony ça. Guzzo, du site internet, le blitz NFL.com.